Il a fait beau aujourd'hui. Dis-moi que c'est comme si. Dis-moi que c'est comme si. L'orage dans tes yeux n'a pas grondé. Dis-moi que c'est comme si. Dis-moi que c'est comme si. Fais semblant. Je ne t'ai jamais trouvé aussi jolie. Je me dis que c'est comme si. Je me dis que c'est comme si. Les horizons étaient beaux, la vie était belle. Je me dis que c'est comme si. Je me dis que c'est comme si. Je fais semblant.